Chapitre 34e. En sortant de l'agence des familles, Madame d'Alifard se fit conduire au vaudeville, où elle loua une loge, puis ensuite rue des Vieilles Haudriettes. L'heure ordinaire de son arrivée était passée depuis assez longtemps déjà, et on l'attendait pour décider plusieurs affaires importantes dont la solution lui avait été réservée. Des rendez-vous avaient été fixés pour traiter ces affaires, et plusieurs personnes qui étaient venues du dehors se promenaient dans la cour ou faisaient antichambre, surprises de ce retard insolite. Que se passait-il donc? C'était la première fois que Madame d'Alifard n'était pas à l'heure. Les employés s'interrogeaient avec étonnement, et Juliette était déjà inquiète, son fils était malade. Au moment où elle allait partir pour Nogent, chercher une certitude, Madame d'Alifard arriva. Mais malgré la présence des personnes qui l'attendaient, malgré l'importance et l'urgence des affaires qui lui avaient été réservées, elle ne voulut s'occuper de rien. « Décide tout cela, » dit-elle à son fils. « Je retourne à Nogent. Es-tu malade ?»« Non, mais je ne veux pas le devenir. Je sens que j'ai besoin de calme et de repos. Je me donnerai la fièvre en traitant ces affaires. Et c'est ce que je ne veux pas. J'aime mieux m'en aller tranquillement à Nogent. » Adolphe fit un signe à sa femme. « Je vais aller avec vous, » dit Juliette. « Non, je vous remercie. » « Mais si vous êtes souffrante, vous ne pouvez pas rester seule à Nogent. Je désire rester seule au contraire, et je vous prie de ne pas quitter Paris. Mais vous me désobligez en insistant. Restez à Paris, c'est ce que je désire, ce que je vous demande. Voici une loge au vaudeville que je viens de prendre pour vous. Quant à moi, j'ai besoin de calme. Alors voulez-vous que je garde Félix ? Félix ne me gêne pas, et si vous voulez le voir, rien ne vous empêchera de venir dans la matinée. Ce que je désire... c'est éviter les occasions de trouble et de fatigue. « Tu te sens donc malade ?» insista Adolphe, tourmenté. « Pas pour le moment. Mais je sens que si je ne prends pas des précautions, je peux l'être, et c'est ce que je ne veux pas. En venant, je suis entré chez le docteur Clos, c'est lui qui m'a ordonné la tranquillité. Vous me reprochez toujours de ne pas écouter le médecin. Ne vous fâchez pas si je me conforme aujourd'hui à ses prescriptions. » Elle repartit pour Nogent, en laissant son fils et Juliette stupéfaits. Cette façon d'agir était chez elle si extraordinaire qu'ils ne pouvaient pas la comprendre. Ce fut ce sentiment de surprise qu'éprouvèrent les domestiques de Nogent quand ils virent Madame d'Alifard ne quitter sa chambre que pour faire deux fois par jour une promenade à petits pas dans le jardin. Plus de surveillance, plus d'ordres durement donnés, plus d'observation, c'était une véritable métamorphose. Et pendant que les choses allaient ainsi à l'aventure dans la maison, Madame d'Alifard gardait la chambre. Qu'avait-elle? C'était la question que chacun se posait avec curiosité, car rien n'indiquait qu'elle fût malade. Le contraste, en effet, entre cette vie nouvelle et les anciennes habitudes de Madame d'Alifard était tel qu'il devait frapper les gens les moins observateurs. Cette femme, naguère, pleine d'activité, toujours en mouvement, et qui semblait ne pouvoir jamais dépenser toute son énergie, restait maintenant engourdie dans l'inaction. Elle ne voulait s'occuper de rien, elle ne répondait à rien, et quand elle marchait, c'était à croire qu'elle avait peur de se casser tant elle prenait de précautions. Cette apathie apparente dura plusieurs jours chez Madame d'Alifard, mais peu à peu elle se dissipa, au moins par moments. Ainsi, le jardinier, qui avait remarqué que sa maîtresse marchait comme si elle était de verre, remarqua que dans ses promenades, elle n'avait plus cette régularité de mouvement qui l'avait si fort étonnée. Parfois, elle s'arrêtait brusquement, puis tout à coup, elle repartait à grands pas. La femme de chambre fit aussi ses observations, et elle regretta que sa maîtresse n'eût plus le calme et la tranquillité des premiers jours. C'est que pendant les premiers jours, Madame d'Alifard avait attendu assez patiemment le résultat de la surveillance de profit, tandis que maintenant, elle s'exaspérait et se dévorait dans cette attente. Cette surveillance n'allait-elle rien produire? Profit était-il capable de l'organiser avec intelligence? Ne la tromperait-il pas? Toutes ces questions et bien d'autres qu'elle examinait du matin au soir, les tournant et les retournant dans sa tête, lui donnaient la fièvre. Alors, prise d'inquiétude pour sa vie, se rappelant les menaces du docteur Clos, elle voulait se calmer, elle voulait s'engourdir. Elle voulait ne vivre que pour vivre. Mais plus les efforts qu'elle faisait étaient grands, plus sa fièvre augmentait. Allait-elle mourir avant d'avoir obtenu le résultat qu'elle poursuivait? Mais si elle mourait, sa fortune tombait dans la communauté, et la séparation de corps arrivant, Juliette se trouvait riche. C'était pauvre, c'était misérable qu'elle la voulait. Oh, vivre, vivre seulement 3 mois encore, et puis après, mourir en laissant son fils riche et libre. Se rappelant les symptômes de sa maladie, et cherchant dans son souvenir ce qu'elle avait éprouvé, elle s'interrogeait avec angoisse. Lorsqu'elle avait commencé à être malade, une pression sur le cœur la faisait souffrir. Elle se tâtait maintenant 100 fois par jour. Tantôt il lui semblait qu'elle trouvait une douleur, tantôt au contraire elle ne la trouvait point. Alors elle se rassurait et prenait confiance. Mais un rien la rejetait dans l'effroi. Un poids sur le cœur, une rougeur au visage, une pulsation plus forte qu'à l'ordinaire, un soupir, une toux sèche. Elle allait mourir, mon Dieu. Elle ne mourait point, mais elle était terriblement torturée, et pour écarter la mort, elle répétait tous les remèdes qu'elle avait faits lors de sa maladie, car elle avait pour habitude de conserver les ordonnances de son médecin, et sans savoir si elle était maintenant dans l'état où elle avait été autrefois, mais par crainte d'y revenir, elle appliquait ses ordonnances, repos, diète, boissons émollientes, applications froides sur le cœur, synapisme aux pieds. Les jours se passaient et elle ne recevait pas de nouvelles de profit. Entraînée par l'impatience et ne pouvant plus supporter l'incertitude, elle allait partir pour Paris lorsqu'elle le vit arriver à Nogent. Il avait une figure grave sur laquelle on ne pouvait rien lire, si ce n'est qu'on se trouvait en face du directeur de l'agence des familles, homme moral par excellence, personnage providentiel, qui avait conscience du rôle qu'il jouait dans le monde. « Eh bien !» s'écria Madame d'Alifard, incapable de se contenir. Sans répondre, M. Max Profit cligna de l'œil et fit claquer sa langue. « Que voulez-vous dire ?» Il tendit la main. « Je viens toucher. Vous avez réussi. Vous avez dit que la lumière soit faite. Elle est faite. Vous avez des preuves ? J'en ai. Donnez, donnez !» Mais en prononçant ces mots à peine articulés, Madame d'Alifard se sentit étouffée. Elle eut un moment d'angoisse affreuse. « Attendez, attendez un peu, » dit-elle, « tout à l'heure. »« La douleur ?» dit Profit en prenant une voix tendrie. « C'est bien naturel. Et voilà qui prouve qu'il n'est pas toujours bon d'interroger la Providence. On apprend quelquefois ce qu'on aimerait mieux ne pas savoir. » Pendant que Profit débitait cette maxime qui lui avait déjà servi plus d'une fois, Madame d'Alifard avait pu se remettre. « Parlez, » dit-elle, « je vous écoute. » Mais le directeur de l'agence des familles étendit de nouveau la main vers Madame d'Alifard. Il resta dans cette position, les yeux souriants, les lèvres immobiles. « Eh bien, » dit Madame d'Alifard, « j'attends. Vous savez, c'est 2000. » Madame d'Alifard était tellement troublée qu'elle fit un mouvement pour prendre sa clé, mais la réflexion lui revint. « Pour payer ces preuves, il faut que je les aie, et vous ne me les avez pas données. Pardon ?» « Mais il me semble que vous m'avez dit que vous aviez lu ma circulaire. Ne vous rappelez-vous pas sa dernière ligne ? Paiement des honoraires après le succès. J'ai obtenu le succès, j'attends les honoraires. » Il tendit de nouveau la main. « Et moi, j'attends les preuves. Qui me dit que vous les avez ?»« L'honorabilité de ma maison. Au reste, je ne procède jamais autrement. On paye après le succès, mais avant les preuves. Autrement, on ne payerait jamais. » « Si vous désirez ces preuves, donnez-moi les 2000 et je parle, sinon je me tais. Quant à la gratification de mes hommes, je la laisse à votre générosité. » Madame d'Alifard resta un moment partagée entre la crainte d'être exploitée et le désir d'avoir ces preuves si longtemps attendues. Enfin, ce fut ce dernier sentiment qui l'emporta. Elle alla à son secrétaire et en tira 2 billets de 1000 francs, qu'elle tendit au directeur de l'agence des familles. « Ne fermez pas le secrétaire, » dit celui-ci en pliant les billets, « car vous voudrez, j'en suis certain, le rouvrir pour la gratification. Ce n'est pas 2000 francs que vaut la chose, c'est 20 000, c'est 100 000. Pas de ces bavardages inutiles, vous êtes payé. Parlez, et plus vite que cela, je vous prie. » Sans se fâcher, Profit tira de sa poche son carnet d'hiéroglyphes et le tenant ouvert comme s'il traduisait des notes. « J'ai voulu, » dit-il, « vous organisez une surveillance de première classe et digne en tout point d'une famille comme la vôtre. J'ai donc attaché un de mes agents à la personne que je ne veux pas nommer, mais que je désignerai suffisamment en l'appelant votre parente. et en même temps j'en ai attaché un autre au personnage que je désignerai aussi suffisamment en l'appelant votre ennemi. Mes deux hommes devaient agir séparément et sans savoir qu'ils étaient associés. Un rapport ainsi contrôlait l'autre. Voici les résultats de leurs surveillances respectives. Mardi dernier, votre parente quitta la rue où elle habite, à 1 heure, et en voiture de place, elle vint au boulevard Malesherbes, où elle resta 3 quarts d'heure environ. En sortant de cette maison, elle alla à pied à la station de Courcelles, où elle prit un billet pour Passy. À Passy, elle traversa la pelouse du Ranelagh et entra, par l'avenue Raphaël, dans un atelier qui appartient à un sculpteur que je dois, malgré toute ma discrétion, nommer M. Hulse. Elle y resta 2 heures et en sortant, elle prit une voiture devant la gare et rentra chez elle. « Donnez-moi ces noms par écrit, » dit Mme d'Alifard, « et cette adresse. »« Mon Dieu, madame, veuillez les écrire vous-même. Je n'écris jamais, affaire de principe. » Hulse, avenue Raphaël, Passy. Pendant ce temps, mon autre agent surveillait votre ennemi, et il était amené par lui jusqu'à Passy. Par le boulevard Suchet, ce personnage entrait dans l'atelier du sculpteur Hulse, 1 quart d'heure avant que votre parente y entrât par l'avenue Raphaël. C'est donc à Passy, dans cet atelier qui a une double entrée, que votre parente et votre ennemi se rencontrent. Que se passe-t-il dans ces entrevues? C'est ce que je vous demande la permission de ne pas même soupçonner. Gazon, n'est-ce pas? Glissons, n'appuyons pas. Mercredi, pas de rendez-vous. Jeudi, pas de rendez-vous. Vendredi, au contraire, nouvelle rencontre, à la même heure. C'est donc le mardi et le vendredi, à 3h30, que ces deux personnes se voient à Passy, dans l'atelier loué au nom de M. Hulse. Ce qu'il fallait démontrer.